Chapitre 3e. Cet incident de la maladie de Claire eut un double résultat. D'abord, il décida Madame Audry à engager une petite bonne, et l'on vit une figure nouvelle, une figure jeune, fraîche, proprette, glisser autour des pavillons, le long des vieux murs, ou traverser le jardin. Mais surtout, il rapprocha la jeune veuve des voisins bienveillants qui lui avaient témoigné tant de sympathie et tant de complaisance. Depuis plusieurs mois, Madame Audry et les époux Roger se rencontraient sans se rapprocher. D'un jour à l'autre, il s'établit entre elles et eux une intimité qui devait croître sans cesse. Elle alla les remercier de leur obligeance avec Claire, qui gazouilla dans l'appartement monotone et le remplit de gaieté. Ils lui rendirent sa visite en apportant du chocolat pour la petite. Puis, non sans hésitation, Madame Roger, quoique son mari résistât un peu, invita Madame Audry à dîner. Celle-ci fit quelques façons, allégua son deuil, sa résolution de noir personne, mais pressée amicalement, elle finit par accepter. « Ne manquez pas d'amener Claire, chère madame, nous avons déjà beaucoup d'affection pour cet enfant, mon mari et moi. » Le dîner fut plus simple que lorsqu'il s'agissait de recevoir des collatéraux. Trois bons plats, surveillés par la maîtresse de la maison, et une bouteille de vieux vin de Bordeaux que M. Roger déboucha avec des précautions de gourmet en disant « C'est moi qui l'ai soigné. Il a 10 ans de bouteille. » Un peu languissante au potage, la conversation ne tarda pas à s'animer. On causa du quartier, de la maison, de ses habitants, dont Madame Roger connaissait les petites histoires et les petites manies qu'elle racontait sans malveillance, posément, du ton un peu dolent qui lui était habituel. « Il faut bien savoir avec qui l'on demeure, n'est-ce pas » dit-elle à Madame Audry. Elle ajouta, comme pour s'excuser d'être si bien renseignée, « Je n'aime pas à me mêler des affaires des autres, seulement je suis souvent à ma fenêtre et je vois beaucoup de choses. » Tout en bavardant, on s'occupait de Claire. On la fit parler, on rit de ses saillies, on admira sa bonne tenue, sa grâce libre d'enfant gâté, qui conserve pourtant son excellent naturel, et s'épanouit sous l'affection comme une fleur au soleil. On s'extasia sur son teint trop éclatant, sur ses yeux trop grands, sur ses cheveux trop fins, et la petite fine mouche savourait ses compliments comme un dû, sans étonnement ni vanité, en fixant sur ses amis ses regards francs et joyeux qui semblaient dire « Eh bien oui, je suis comme cela. C'est la vérité, que voulez-vous que j'y fasse ?» Sa mère raconta d'elle des mots au sens profond, de ces mots que les enfants s'aiment sans les comprendre, pour que les parents les recueillent, et prit un ton pénétré pour parler de ses dispositions à la musique. « Il y a 6 mois que je lui donne des leçons, 6 mois à peine. C'est tout plaisir, je vous assure. » On la voit avancer d'un jour à l'autre. Madame Roger s'écria, « Elle sera musicienne. En tout cas, » dit Madame Audry d'un ton plus grave, « il est bien heureux qu'elle ait du talent. Sait-on ce que l'avenir lui réserve, pauvre petite? Il faudra peut-être qu'elle gagne sa vie. Il y a si peu de carrière pour une femme. » « Oh !» fit Madame Roger, « jolie comme elle est, elle n'aura pas de peine à trouver un mari. N'est-ce pas ce qui vaut le mieux ?» Mais cette phrase de bon augure ne produisit pas l'effet que l'excellente femme en attendait. La mère détourna les yeux et ne répondit pas. « Ah, le mariage !» murmura M. Roger, « le mariage !» Et il ne formula pas autrement son idée. Au dessert, il s'anima extrêmement. L'air content, il jouait au papa. Il faisait trotter et galoper sur ses genoux, au risque de s'essouffler, la petite qui riait, qui avait peur, qui se cramponnait à lui en répétant « Encore, encore !» Folle de ce jeu nouveau, elle recommençait. Au pas, au pas, au pas. Au trot, au trot, au trot. Au galop, patatras. Assez, Claire, tu as fatigué, monsieur. Au moment, je t'en prie, encore. Au pas, au pas, au pas. Jamais il n'y eut tant de gaieté, tant d'entrain, tant de vie dans ce petit appartement où les époux Roger vieillissaient en silence. Leurs locataires qui entendirent l'éclat des voix et le bruit des rires en parlèrent le lendemain. Quelques-uns ne manquèrent pas de hasarder les méchantes suppositions auxquelles prêtait la circonstance, et regardèrent Madame Audry avec méfiance. Les Roger eurent alors un intérêt dans leur vie, apportés à Claire de petits cadeaux choisis avec art, offerts presque timidement, dans la crainte qu'ils ne plaisent pas. L'enfant remerciait avec son habituelle gentillesse, sans s'étonner d'ailleurs, trouvant tout simple l'empressement de ses deux vieux autour d'elle. Plus réservée, la mère grondait ses nouveaux amis, leur reprochant d'être trop bons, trop amicaux, de les gâter, elle et sa fille. « Mais non, » répondait Madame Roger, « nous sommes seuls, nous vieillissons, nous nous attachons à cet enfant, laissez-nous l'aimer un peu, sur notre dernier rayon de soleil. Claire, dont l'intelligence précoce semblait tout comprendre, sautait alors sur les genoux de la bonne dame et se mettait à lui caresser les joues ou à les couvrir de petits baisers tendres. Quant à M. Rouget, qui d'abord avait gardé quelque retenue, il se livrait maintenant, encouragé par sa femme, à une véritable passion de donner, d'autant plus violente qu'elle contrastait davantage avec son caractère économe et pondéré. On ne le reconnaissait plus. Il courait les bazars, en quête de jouets nouveaux, les magasins pour y chercher des étoffes. Chaque fois que Claire le voyait arriver, c'était presque tous les jours, elle pouvait prévoir quelques surprises. Mais il y mettait de la coquetterie, attendait un air innocent que le paquet sortît de la poche, en dénouait les ficelles avec une apparente indifférence, remercia à peine, puis un moment plus tard, avait une explosion de tendresse qui ravissait M. Rouget. Souvent, Mme Audry essayait d'intervenir pour modérer cette ardeur. « Pas de luxe, mes bons amis, je vous en prie, » disait-elle, « Claire n'est point une héritière. Il ne faut pas lui donner des jouets au-dessus de la position modeste qui sera la sienne. » Alors, Mme Rouget admirait la sagesse de la jeune mère. Une fois, elle ne put s'empêcher de répondre. « Pauvre petite, pourtant, elle eût été riche si son père avait vécu. » Mme Audry rougit, détourna la tête et ne répondit pas. Son trouble fut attribué à la persistance de sa douleur, ou à des sentiments d'une délicatesse infinie qu'il ne fallait pas réveiller. « Je crois, » dit Mme Rouget à son mari, en lui racontant cet épisode, « je crois que j'ai manqué de tact. Nous n'avons pas connu celui qu'elle a perdu. Il vaut mieux ne lui en parler jamais. « Sans doute, » répondit M. Rouget. En hésitant, il ajouta, « cela évoque des souvenirs qui doivent lui être pénibles à présent qu'elle est malheureuse. « Oui, certainement, elle a dû beaucoup souffrir, » dit Mme Rouget en réfléchissant. « C'est affreux de perdre ce qu'on aime. Pourtant, elle ne peut pas être tout à fait malheureuse avec une enfant comme Claire. C'est une grande consolation. Car la petite est un être adorable, si tu l'avais vue aujourd'hui. » Et tous deux se mirent à raconter des traits charmants, qu'ils s'étaient déjà racontés 10 fois, car ils ne s'attristaient plus maintenant en parlant des enfants. Il leur semblait en avoir un, à eux, et leur illusion durait d'autant mieux que Claire, expansive comme elle était, leur témoignait beaucoup d'affection. Madame Rouget disait, « Je crois vraiment qu'elle m'aime presque autant que sa mère. « Oh oh !» répondait son mari. « Prends garde, tu vas un peu loin. » Alors elle se corrigeait. Comme une de ces bonnes tantes qu'on a toujours auprès de soi et qui, plus tard, tiennent une grande place dans nos souvenirs d'enfance. Et M. Rouget concluait, « Oui, j'espère qu'elle se souviendra de nous. » Cela dura ainsi pendant 3 années. Madame Audry posa son deuil, sans cesser d'ailleurs, de porter des toilettes sombres, tandis que Claire brillait en robe fraîche, en gai chapeau. Elle grandissait, sage, raisonnable, d'humeur égale, ayant à peine de petits défauts. Ainsi elle était un peu gourmande, c'est vrai. Mais elle disait si gentiment, quand on lui offrait quelques friandises, « Je suis très gourmande, moi », qu'il n'y avait pas moyen de lui en vouloir. Elle était un peu vaine aussi à cause de ses jolies robes, et parce qu'elle se sentait admirée, mais si peu. « Elle deviendra coquette et vaniteuse », disait parfois sa mère, qui n'en croyait rien. « Bon, » faisait M. Rouget, « elle est jolie, elle le sait, voilà tout, ou elle mal. » Mme Rouget répondait avec conviction, « Il n'y en a aucun. Nous autres femmes, nous sommes trop modestes. Celle-ci le sera un peu moins que les autres, elle ne s'en portera que mieux. » Dans le courant de la seconde année, un incident surgit, Claire prit la coqueluche. Elle fut assez gravement malade pendant plusieurs semaines. Puis, comme elle restait dolente et pâle, tout sautant toujours, faible avec des regards plaintifs de ses grands yeux étonnés, sa mère décida, quand vint l'été, de l'emmener au bain de mer. Les Rouget, qui ne quittaient jamais Paris, songèrent un instant à profiter de l'occasion pour aller visiter les côtes de la Normandie. Mais c'était une si grosse décision à prendre qu'ils ne la prirent pas. Par une chaleur extraordinaire qui faisait peser sur la ville un ciel incandescent et lourd, ils restèrent à s'ennuyer chez eux, sans plus s'intéresser à rien. De temps en temps, une lettre de Madame Audry les renseignait sur la santé de la petite qui, là-bas, renaissait, courait dans le sable, jambes nues, avec un filet à crevettes. « Mon Dieu, qu'elle doit être jolie !» s'écria Madame Rouget. M. Rouget soupirait. « Heureusement que l'année est chaude, elle pourra rester longtemps, le temps de se rétablir tout à fait. » Madame Audry parlait de rentrer à la fin d'août. « C'est vrai, mais je crois qu'avec ce soleil, il ne faut pas compter sur elle avant la mi-septembre. C'est long. » Après la fête du retour, les baisers prodigués aux joues brunies de Claire, la joie d'écouter les récits de sa découverte du monde, Madame Rouget resta troublée, comme si cet absent d'une saison eût suffi pour détruire sa tranquillité. Elle avait le don funeste de prévoir l'avenir, disposition cruelle que connaissent les esprits réfléchis, et cette séparation lui avait rappelé qu'il n'existait aucune attache entre elle et l'enfant qu'elle aimait, que de même que la petite avait disparu de son horizon pour 3 mois, elle en pouvait disparaître à jamais, d'un jour à l'autre, emportée par un caprice de la destinée pareil à celui qui l'avait amenée. Pourquoi non? L'enfant suivrait sa mère et qui pouvait prévoir les hasards qui attendaient la jeune veuve? Cette incertitude la tourmentait, exacerbait sa tendresse pour Claire qui, peu à peu, ressemblait à une passion menacée et inquiète, suscitait en elle toute une végétation dangereuse de suppositions, de calculs, de pressentiments. Assombrie, préoccupée, elle sortait parfois de longs silences pour dire à son mari « Que ferions-nous si Madame Aubry ne renouvelait pas son bail ?» M. Roger répondait d'un ton calme, comme s'il était sûr de son fait. « J'espère bien qu'elle le renouvellera. Pourquoi ne le renouvelerait-elle pas ? Elle est très bien, ici. Si elle veut des réparations, nous lui en ferons, n'est-ce pas ? Oh, sans doute. Mais si elle se remariait, par exemple ?» M. Roger hochait la tête. « C'est peu probable. Une femme sans fortune, avec une enfant. » Et il changeait de conversation. Mais Madame Roger ne l'écoutait guère. Tandis qu'il parlait de la pluie ou du beau temps, elle poursuivait le cours de ses pensées et finissait toujours par l'interrompre en murmurant, pour se répondre à elle-même, « On ne sait jamais. » Il prenait alors un air surpris pour la distraire sans doute. « Qu'est-ce qu'on ne sait jamais ? » demandait-il. Mais elle lisait dans ses yeux qu'il l'avait comprise, et cette feinte, au lieu de la rassurer, la troublait davantage encore. Quand on approcha de la fin du bail, l'inquiétude de Madame Roger devint une idée fixe. Elle ne parlait plus d'autre chose. Chaque jour, elle reprenait le même thème, qu'elle brodait de variations infinies, bien que légères. Elle interrogeait la concierge. De sa fenêtre, elle suivait les moindres mouvements de Madame Audry pour tirer des allées et venues de la jeune femme les inconséquences les plus inattendues. À chaque repas, elle communiqua à son mari le résultat de ses observations. « Eh bien, qu'en dis-tu ? » lui demandait-elle. Il n'en disait rien, ou bien il répondait en haussant les épaules. « Tu te tourmentes pour rien, ma bonne amie. Tu verras qu'elle renouvellera. Elle te l'a dit ? Pas encore. Alors comment peux-tu savoir ? Tu verras. » Accoutumée à subir son ascendant, elle se sentait un instant rassurée. Mais cela ne durait guère et quelques bagatelles réveillaient son angoisse. Enfin, un jour, M. Roger dit à sa femme, « Madame Audry m'a parlé ce matin. Elle renouvelle. » Elle le regarda comme quelqu'un qui doute encore d'une heureuse nouvelle longtemps attendue. « Pour 3 ans ? Pour 3 ans ?» Elle devint pâle de joie. C'était comme si elle venait, elle aussi, de faire un nouveau bail avec le bonheur. « Ah, quel souci de moi » s'écria-t-elle. « Elle ne demande pas de réparation, » reprit M. Roger. « Oh, si elle en voulait. Enfin, elle se trouve bien comme cela, à ce qu'il paraît. Tu vois que tu t'es beaucoup tourmenté pour rien. C'est vrai. J'avais raison de te dire que tout s'arrangerait pour le mieux. » Un nuage passa sur le front de Mme Roger. « Il y a toujours la possibilité d'un mariage, » fit-elle. M. Roger haussa les épaules. Pour le moment, il n'est pas question de cela. Et très vite, tu comprends, puisqu'elle a renouvelé son bail, cela prouve bien qu'elle n'a point d'arrière-pensée.